Alors, je rappelle Philippe avec qui on a été coupé. Alors, est-ce que là ça marche? Ah, ça y est. Tu m'entends? Ah oui, là je suis obligé de baisser le son tellement c'est fort. Bon, Voilà. je te vois pas. Ah oui, alors sur la caméra. Voilà, tout marche Ça bien. y est. Bon. Alors, oui, je voulais te dire, tu as du mal à rester assis, donc, eh ben, tu peux t'allonger. On peut parler au téléphone, je t'appelle au téléphone. On va déjà commencer comme ça et puis on va voir combien de Ouais, mais bon, parce qu'on a plein de choses à temps se dire. je tiens. Déjà. Bon. Ah oui. Alors, commençons, commençons. Alors, je commence. Déjà, je te dis que tu es enregistré, donc fais attention à tout ce que tu dis. Tout pourra être retenu contre moi en cas de. Exactement, exactement. Bon, alors, voyons. Je vais reprendre tous les mails que tu m'as envoyés, et il y a quand même un certain nombre. Alors, je vais commencer par le plus vieux, qui va nous amener à un certain développement. Alors, Philippe, joyeuse Pâques. Bon, merci pour tes joyeuses Pâques. C'est Et passé. ouais, c'est passé, mais bon, c'était bien. Et de ce fait, j'ai vu que là, tu commençais à mettre en place les prémices de l'action future, à savoir commencer à travailler sur une plateforme numérique collaborative, non? C'est un peu ça? Oui, ben je commençais à demander en fait à chacun qu'est-ce qui était possible de faire. D'accord. Voilà. Ouais, t'as eu des réponses? Ouais, j'en ai eu trois. Et Bon. elles ne sont pas terribles parce que celles qui reviennent en fait me disent qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Alors, bon. Eh oui, c'est là où ça va être un peu compliqué. Ouais. C'est bon, on va y revenir. Je me doutais bien que ton auditoire n'était pas forcément prêt à travailler comme ça. Les étrangers, ils sont prêts à travailler comme ça. Oui, on a l'habitude. Eux, ils ont l'habitude. Ben voilà, eux, ils ont l'habitude. Mais attends, je reviens là un peu en arrière là, parce que je me posais quelques questions Je te suis. avec cette équipe-là, avec laquelle que tu as remobilisé pour ton jardin merveilleux. Cette équipe-là, tu as déjà fait des projets avec eux? Avec les étrangers, oui. Oui. Oui, j'en ai fait au moins ben, certains, j'en ai fait trois avec eux déjà. Tu en as Donc fait trois. D'accord, tu en as ce fait sont des trois. habitués, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont. Il y a déjà deux qui sont en retraite. Ah ouais, d'accord. On est tous dans la même tranche d'âge, mais par contre, comme ce sont des profs ou des gens de sociaux, en fait, ils sont très engagés en dehors de ça, quoi. D'accord. Donc, eux, bon, ça leur a pas paru étrange, Voilà. la façon dont tu as abordé les choses. Ok. C'est ça. Donc, ça, c'était pour le mail de Pâques. Alors, après Pâques, tu nous as écrit l'organisation du Jardin Merveilleux. Et là, tu commences effectivement à aborder la plateforme de travail numérique que tu aimerais mettre en place, etc. Qu'est-ce que tu as eu comme écho par rapport à cette. Alors, pour le message de Pâques, j'ai eu plusieurs réponses disant merci pour Pâques, D'accord. comme c'était juste une information. Donc, D'accord. je leur disais, ben voilà ce dans quoi je me lance. D'accord. Et puis le deuxième, c'était, ben, commençons maintenant qu'on a identifié ceux qui veulent s'engager, comment voulez-vous travailler? Donc, là, je D'accord. montrais que ce sur quoi je travaillais. De façon habituelle. Oui. Et c'est là que bah, j'ai eu trois réponses. Sur les trois réponses, il y en a deux qui sont D'accord. OK. il y en a deux qui sont pas trop là-dedans. Et je D'accord. sais qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres qui sont pas trop là-dedans non plus. Ça, il faut D'accord. pas se leurrer. OK. Oui, mais comment travaillais-tu dans ces projets internationaux ou européens, tout du moins avant? Sur quelle base? Sur quel protocole Par échange de mails, par échange de coups de fil, par échange de... Au départ, ce sont des mails, puis après ça, on a la plateforme de travail. La dernière en fait, que j'utilise, c'est Dropbox, parce que en fait, on est tout de suite au courant des modifications qui ont été apportées à un fichier, et du coup, on peut travailler sur le même fichier, tous. D'accord. Et pourquoi Dropbox plutôt que Google Drive ? Parce que c'était plus simple, il n'y a pas de transformation, c'est direct. Tu écris en Word, ils sont en Word là-bas, et l'avantage c'est que tout le monde a le même outil. Voilà. Alors que sur Drive, c'était un peu plus compliqué. Là, d'ailleurs, sur les trois réponses que j'ai reçues, il y en a deux qui ne connaissent pas Drive. Alors comme ça, d'accord. C'est pareil. D'accord. Bon. Et là, c'est le bug. Ah, attends, j'ai mon Google. J'ai mon Google qui cause là. Bon, d'accord, ok. Revenons un petit peu à... Parce que j'essaie de comprendre, j'ai compris le sens de ta démarche, mais j'essaie de voir un petit peu ce qui te trotte dans la tête, quoi. Voilà. Oui. Je reviens à cette plateforme numérique. Cette plateforme numérique que tu utilisais initialement sur Dropbox et qui fonctionnait. Vous aviez combien de fichiers en ligne ? On est resté, en fait, comme la Dropbox reste gratuit jusqu'à un plafond, d'une façon qui était largement en dessous de Drive. Ouais. On avait choisi de mettre sur Drive tout ce qui était lourd, oui. et de mettre sur Dropbox tout ce qui était travail collaboratif, d'accord. C'est-à-dire ouais. Les Excel, les Word, les PowerPoint, d'accord. Etc. Donc, mais ma question est de savoir combien vous aviez de fichiers collaboratif que vous partagiez ensemble sur Dropbox. Une dizaine, d'accord. Chaque modification faisait l'objet d'une alerte ? Oui, si on installe Dropbox sur l'ordinateur, tu es tout de suite au courant de savoir ce qui a changé, s'il y a quelque chose qui a changé et qui l'a changé. D'accord, ok. Non, parce que tu vas comprendre là où je veux en venir, oui. Mais je voulais faire un petit peu le point avec toi là-dessus, donc je continue de remonter tes mails. Là, le jardin merveilleux, oui, alors ça c'est un mail où tu m'as envoyé, et je t'en remercie, le lien concernant le jardin merveilleux, on va y revenir. Assorti à ce lien, il y avait également le questionnaire étranger. D'accord ? Oui. Bon. Pour me simplifier la vie, tu m'as envoyé il y a quelques minutes une synthèse de tout ça sur laquelle nous allons revenir aussi. Oui. En ce qui concerne le site du Jardin Merveilleux, et c'est peut-être par là que je souhaiterais commencer, parce qu'il ne m'a pas semblé que tu faisais... J'ai rien fait. T'as rien fait. Bon, ça va. Quasiment rien fait, parce que depuis que j'étais cassé, en fait, je ne pouvais pas me mettre devant mon ordinateur. Donc, D'accord. Bon. Ouais. T'as pas de tablette ? T'as pas de truc comme ça ? Non. Ah, d'accord. C'est une affaire de principe ou c'est... Non, c'est une affaire de multiplication des appareils. D'accord. Ouais, j'ai pas tout. D'accord. Bon, Et puis, en plus, cette semaine, Sylvie a repris du travail. Et comme elle n'a pas l'habitude de travailler à distance avec des élèves, je l'ai énormément accompagnée là-dessus. Donc j'ai mis un peu de pédale douce sur notre affaire. D'accord. Ok. Très bien. Bon, alors, moi je vais te parler du site. Tu as pu voir que j'ai... changé la photo d'entrée. Oui, voilà, bon, c'est un essai. Je me dis que dès qu'on va arrêter d'être déconfiné, que j'aille faire un tour là-bas pour prendre la photo qui va bien. Bon, pour l'instant, ce que je souhaitais, c'était assortir au jardin ta petite femme. Bon. Ah ben oui, je la vois. Elle est là. Il faut savoir ce que c'est, alors. Hein ? Oui, ben oui, non, c'est pour ça que ça n'engageait que ma responsabilité et ça n'allait pas bien loin de ce côté-là. Et derrière, ben, je voulais voir un peu, comment dirais-je, un fond sur Auray, et le jardin en premier plan avec Auray au fond, ça me paraissait bien, si tu veux. On avait discuté la fois dernière. Oui, oui, on en avait discuté. On en avait discuté. Bon, mais je suis que moyennement satisfait de ça. Donc, ça sera amélioré, mais pour ça, il faut comment ça s'appelle ? Il me faut une banque de photos, quoi, un catalogue un peu plus étoffé que ce que j'ai. Après... Mais c'est bien que ça puisse changer, de toute façon, c'est assez varié. Oui, c'est bien. Mais ça montre que ça vit, mais Google, ça ne lui a pas trop montré. Hein. On n'est toujours pas référencé. C'est pas trop grave, parce que c'est vrai qu'avec le nombre de personnes qui ont répondu présent et qui veulent s'engager, je ne me vois pas gérer 50 personnes. Hein. Mais après justement, ça, nous allons en parler. Nous allons en parler. Par contre, la réflexion que j'ai, si tu veux, c'est que notre site, que ton site... soit vraiment la plateforme sur laquelle on pourrait articuler tout ça, si tu veux. Oui. Mais je vais revenir là-dessus. Donc moi, j'ai fait juste une autre petite modification, j'ai fait même une bêtise tout à l'heure, j'ai balayé le site toujours pour voir si tu si étais intervenu ou pas, et en balayant le site... Il y a juste sur la feuille action que j'ai fait quelque chose, et encore c'est un tout petit truc, puisque j'ai mis les boutons, mais sans lien. Moi je me suis arrêté au jardin, oui. Dans un jardin, parce que j'ai vu que tu avais mis un plan doré. Ah exact, c'est vrai. Et ça m'a donné l'idée... Exact, oui, va dessus, descends un peu en dessous du plan. J'ai mis quelque chose d'un petit peu plus parlant, quoi. Mais bon, peu importe. C'était l'idée de relier le jardin à Google Maps. Oui. Tu vois ? Bon, c'est une suggestion. C'est très bien. Bon. Mais je m'étais trompé tout à l'heure quand j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça sur cette page-là. Et puis en fin de compte, en me relisant, etc., j'ai vu que. C'était apparu sur tous les bas de page du site. Et effectivement, je l'ai mis au mauvais endroit, mais ça m'a rappelé ça qu'on peut avoir en bas du site un certain nombre d'informations que l'on veut faire passer, si tu veux. Oui. Du genre, tu peux laisser ton numéro de téléphone, tu peux communiquer si tu veux. Et c'est une communication qu'on retrouverait au pied de chaque page. Oui. Mais elle serait identique pour toutes les pages. D'accord, c'est un pied de page commun à toutes les pages. C'est un pied de page, voilà. Et donc, réfléchis à ça, parce que ça peut avoir un intérêt. Hein ? Oui. Moi, je m'en sers, si tu veux, dans tous les sites que je fais, comme je suis un peu le webmaster, ben je laisse mon numéro, quoi, si jamais il y avait un bug sur le site ou un truc, etc. Alors, quelquefois, ça me joue des tours, parce que quand j'ai des tas de gens qui m'appellent absolument pas pour parler du site que j'ai conçu, mais des gens qui demandent l'association auquel il correspond, etc. Mais bon, ça veut dire qu'il faut être prudent. Après, un merveilleux rien... Voilà, et action, effectivement, action, tu as commencé à créer tes groupes, etc. Voilà. Et c'est un peu par là que je voudrais, moi, intervenir. Si on veut avoir une action bien conjuguée et bien coordonnée, te permettant de piloter tes ouailles, et comme tu as dit, elles ne sont pas très nombreuses aujourd'hui, donc c'est plus simple pour mettre en route quelque chose qui peut être un petit peu plus important plus tard. Donc moi, à mon sens, moins tu auras d'outils, mieux, moins tu perdras les gens, si tu veux. Et plus tu vas centraliser ton action... sur un seul outil ou deux, grand maximum, mieux ce sera compris. Et tu sais très bien que plus tu as affaire à des intervenants, plus la dilution se fait et moins bien tu es compris, en règle générale. Donc l'idée que j'ai, moi, c'est d'assortir au site, parce que Google Sites, c'est des sites collaboratifs. Hein. Mmh. Alors ça vaudrait peut-être le coup de s'en servir. Parce que Google Sites, au départ, il a été créé par des Américains, des profs d'université, qui géraient leurs étudiants autour de projets communs, etc., etc., sur lesquels chacun intervenait en ligne sur le site. Oui. Alors, moi, je crois plutôt à quelque chose comme ça. Bah, plutôt que d'avoir des pages qui se promènent à droite et à gauche, on peut aussi réfléchir, parce que tu m'as un peu interpellé à ta façon, on peut aussi avoir un gestionnaire de projet. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Dans les gestionnaires de projet, c'est la capacité que l'on a de mettre tout le monde sur le pont et puis de fixer des missions, des objectifs, des délais, etc., etc. Alors, est-ce que ça correspond, c'est un peu pour ça que je te questionnais tout à l'heure, est-ce que ça correspond à ce que tu aimerais faire? Comment tu vois les choses? C'est surtout que je les vois différemment que de ce que j'ai créé jusqu'à présent. C'est-à-dire que je ne tiens pas à refaire ce que j'ai fait avant, à savoir repartir dans... C'est un peu le propre des gros projets européens aussi, où il faut un coordinateur, il y a toute une programmation qui est à faire, qui est à justifier, qui est à détailler. C'est super chiant. Alors c'est vrai que c'est super chiant. Ah, mais ça c'est clair, oui. Ouais. Bon. C'est super chiant. Et là-dedans, les gens qui ont répondu jusqu'à présent, je ne les sens pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire que je pense que ce ne sont pas des personnes qui vont perdre beaucoup de temps, enfin perdre du temps, c'est-à-dire passer beaucoup de temps sur le site. Sur le site web. Ouais. Eux, ce qui les intéresse, c'est le site dans la verdure. Oui. C'est vraiment ça. Oui. C'est pour ça que je relativise un petit peu le travail sur le site web, mais en ce moment, c'est tout ce qu'on peut faire, quasiment. Alors, je peux éclairer un peu ta lanterne. Oui. Il faudrait peut-être bien réfléchir à savoir à quoi sert le site. Oui. Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est de la sollicitation? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est tout ça en même temps, si tu veux? Oui. Hein? Parce que selon la destination auquel tu tends avec le site, eh bien, ça va donner... Ça va donner, je dirais, une tournure différente aux événements. Moi, lorsque je t'ai proposé de t'aider à créer un site, j'avais comme optique dans ma petite tête de se dire, voilà, il y a un truc sympa qui peut se faire, et même très intéressant qui peut se faire sur la bonne ville d'Auray, eh bien, faisons-le savoir. Mmh. Hein? Et c'est de l'info. Bah, c'était de l'info, c'était de la communication. Mais on peut aussi se servir de cette communication pour la rendre interactive avec les autres. Oui. D'où, premier niveau, ces fameux questionnaires qui donnent des tendances et sur lesquelles il faut qu'on revienne. Hein, parce que là, c'est important, l'exégèse que tu viens de commencer de faire. Donc, à mon sens, si on veut mettre en musique quelque chose, eh bien, il faut le faire à travers quelque... il faut que les gens y croient. Il faut que les gens, comme tu l'as dit, bon, on a affaire à des gens qui sont plus des opératifs que des spéculatifs, hein, c'est ce que tu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, s'ils veulent être opératifs, eh bien, il va falloir qu'ils opèrent. Donc, il va falloir les donner, et mettre tout ça en musique pour qu'ils puissent opérer, pour qu'ils puissent rentrer dans le concret. Oui. Alors, est-ce que tu as un petit peu réfléchi à ça? Comment veux-tu... t'as un équipage, là. Bon, t'as pas encore trouvé tes officiers. Mais on ne sait pas bien sur quel bateau, sur quel navire ils vont naviguer. Donc, à mon sens, c'est pour ça que je trouve la démarche intéressante. Si tu veux, tout dépend de ce que tu vas vouloir faire ou de vouloir accompagner que les autres dans les actions des uns et des autres. Voilà. Et à quel moment et à quelle vitesse et comment tu vas mettre ton équipage en route, quoi. Enfin, pour l'instant, l'équipage, en fait, ils sont confinés, alors. Ouais, bon, mais attends, tu peux être confiné, mais tu peux faire marcher la boîte à fumée, quand même. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que ça les... C'est pas ça qui les a branchés au départ. Hein. Quand on voit les réponses, moi, ce que j'attendais, c'était les réponses au questionnaire. En gros, il y en a 10 de plus par rapport à la semaine dernière. Exact. Donc, c'est pas mal. Et ce sont des gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés. Et c'est vrai que quand je te dis qu'ils sont pas tellement sur ordi, je les connais. Hein, bah, les deux du jardin, qui sont les anciens propriétaires, eux, ils ne sont pas du tout là-dessus. J'ai eu un coup de fil avec chacune des deux. À la rigueur, les organiser avec elles, c'est leur passer un coup de fil. Ce n'est pas elles qui iront sur le site pour aller chercher quelque chose, hein, ça c'est clair. Et il y en a plusieurs qui sont comme ça, il n'y a pas que. Hein. Donc ça va beaucoup se jouer c'est vrai qu'en matière de com', il y a une grosse question. Il y a des gens qui sont intéressés, mais qui sont qu'au téléphone. Et téléphone, c'est-à-dire, c'est juste le SMS, mais ils ne sont absolument pas opérationnels en SMS. Quoi. Ils tapent ça comme sur des vieilles machines à écrire. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est le téléphone. C'est pas WhatsApp, déjà. Donc il y a plein de... En fait, c'est extrêmement varié. Et le net plus ultra... Non, c'est pas varié du tout, tu veux dire. Oui, on est sur des anciennes technologies, quoi. C'est l'international. L'international, ça fonctionne. Ouais. Là, on se connaît déjà. Quand je suis allé à Séville, ils savaient. On s'était déjà revus en Skype et tout le bazar. Mais par contre, à l'autre bout, c'est encore la machine à écrire, quoi. Ouais. Bon, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Tu te retrouves dans la position d'un chef d'entreprise qui a un projet. Ce projet, eh bien, que je trouve quand même encore très abstrait, si tu veux. Hein, bon, c'est pour ça que je pense que le site peut être un bon outil pour formaliser ta réflexion. Mais tu vas, comment dirais-je, interpeller un certain nombre de personnes. Et à partir de là, comment tu les mets en marche? Vers quoi? L'objectif, en fait, il y avait une étape qui était qui me paraissait assez importante, comme on avait vu avec lorsque j'étais sur place, c'était la fête des voisins. Ouais. Et j'avais même parlé éventuellement d'avancer un peu ça pour ne pas tomber exactement dans ce truc-là qui tombait un vendredi soir, je crois. C'était pas très pratique pour, en tout cas, ceux qui voulaient se joindre, même s'ils n'étaient pas voisins. et puis là... Parce que tu penses sincèrement que tu aurais pu ramener sur le jardin 15-20 personnes, hein, peut-être un peu plus. Et tu penses que à partir de cette de ce repas, de cette communion entre guillemets, et tu penses que tu aurais mis comment tu l'aurais, tiens, imaginons, prenons cet exemple là parce que ça me va bien. Imaginons que tu aies la fête des voisins organisée, que tu aies trouvé une date, que si, que ça, et qu'on ne soit pas confiné, que tout le monde puisse venir autour de la table. Comment tu vois ça? Comment tu l'aurais organisé? Comme une assemblée générale. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, en fait, avec une... Moi, je peux tirer sur papier. Hein. Il y a des gens qui... Ceux qui sont au téléphone, je ne vais pas leur expliquer au téléphone tout. Donc, c'est... d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait à un moment. Ceux qui étaient seulement au téléphone, je leur ai envoyé un courrier, en fait, pour qu'ils soient un peu au courant. Donc, ils ont reçu des choses par courrier. Chacun ayant un petit folio en main, pouvoir suivre des infos concernant ce qu'on peut faire sur place et surtout quelles sont des modalités de facilitation que l'on peut utiliser, notamment à travers la sauce. D'accord. Alors, question. Donc, tu organises ça comme une assemblée générale, tu as un petit plan d'action, et ce plan d'action, tu te proposes de le libérer pendant cette assemblée. Alors, oui. Quel est ton plan d'action? Le plan d'action, actuellement? Imaginons que tu sois à la fête des voisins, que... J'y suis pas, je suis. Oui, non, mais c'était une étape. Voilà, mais bon, mais peu importe. Si tu veux, on est là dans un jeu de rôle et je te pousse un peu dans tes retranchements de façon à voir comment tu vois la suite du film, quoi. Voilà, si tu veux. C'est la question que je te pose depuis qu'on se connaît, quoi. Et donc, c'est justement d'interroger les gens là-dessus, c'est-à-dire de faire en gros une espèce de brainstorming. D'accord. Pour qu'on puisse allonger. Il y en a déjà qui ont commencé à allonger des idées, qui m'ont envoyé des idées par mail. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Mais il faut que je puisse, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute là-dedans, il faut qu'ils se connaissent aussi. Pour l'instant, ils ne se connaissent pas trop, à part les voisins proches, qui en plus de ça, ce ne sont pas forcément les plus proches les uns des autres, c'est moins qu'on puisse dire. Mmh. Puisque quand je pose la question sur savoir si le voisin, tel voisin est là, celui qui est le plus proche, il n'est même pas au courant, donc il y a quand même... Tu es en train de découvrir la communication bretonne. Oui. Bon, mais alors, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a déjà des gens qui t'ont écrit. Alors, est-ce qu'il est indiscret de te demander ce qu'ils t'ont écrit? Il y en a qui est déjà un, celui qui était venu me donner un coup de main pendant 3 jours, qui m'a dit, moi je vois très bien des maisons à oiseaux, des trucs qui sont accrochés aux parois, enfin voilà, il est déjà... Tu parles de Stéphane, là ? Tu parles de Stéphane ? Oui, de Stéphane. Ouais. Alors, des maisons à oiseaux. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu as d'autre à part des maisons à oiseaux ? Ah, bon, tu veux que je reprenne, que je passe le détail ? Non, mais j'essaye de comprendre, si tu veux... J'essaye de rendre concret ce que tu viens de me dire, ce que tu m'as dit en 3 mails là depuis Pâques. Et j'essaye de voir comment on peut créer quelque chose de collaboratif, mais utile et fonctionnel. Bon, peu importe le support, Moi, je suis un ancien chef d'entreprise, si tu veux. Mmh. Bon, j'ai l'habitude de faire marcher les hommes et les femmes et de leur donner des missions et à concourir dans un but commun qui est la bonne réussite de la démarche entreprenante. Mmh. Donc, moi, j'ai toujours fait dans le concret, si tu veux. Et ce qui m'interpelle dans ton jardin merveilleux, c'est le chemin qu'il y a entre le concret qu'on essaye d'évoquer là maintenant et le merveilleux, quoi. Voilà. Hein. Et donc, oui, j'essaye de voir comment on peut faire quelque chose de collaboratif et à gérer la contradiction que tu viens d'évoquer à l'instant à travers laquelle les gens avec qui tu causes, bah, ils savent à peine se servir d'un téléphone. Et d'un autre côté, alors que tu leur proposes d'être sur la planète Dropbox ou Google Drive ou autre support. Mm-hmm. Voilà. Moi, j'ai besoin de concret. Voilà. Pour t'aider, j'ai besoin de concret. Et je pense que en te posant ces questions et en te harcelant même dans ce sens, je pense que je t'aide à forger et à mettre en route la machine, quoi. Ouais, je dirais ce brainstorming, à mon avis, me paraît indispensable, c'est-à-dire de ce jet d'idées, surtout avec la variété des personnes qui sont là, variété même sociale, des personnes qui sont partantes, et que les gens se connaissent aussi. Et comme tu dis, la communication bretonne, c'est pas évident. Il y a en fait tout un travail de démarrage qui doit être fait et qui, pour l'instant, ne peut pas être fait à travers l'Internet. Là, les gens sont confinés, ils se connaissent pas. Il y en a quelques-uns qui se connaissent, mais qui n'ont pas forcément travaillé ensemble là-dessus. Attends, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le questionnaire auquel tu as eu 25 ou 30 réponses est bien là pour illustrer une volonté d'aller dans un axe donné et l'envie des gens de participer. Oui. Bon. Donc, tu vois bien que lorsque tu sollicites les gens, ils peuvent avancer parce qu'ils ont envie d'avancer. Mais il a fallu 15 jours pour avoir toutes ces réponses. Et alors, il a fallu 15 jours. Eh ben oui. Il a fallu 15 jours. X relance, etc. Mais je t'apprends rien là quand même sur la nature humaine et sur comment les comportements de tes congénères. Non, mais par contre, quand tu me poses la question aujourd'hui, tu aurais à gérer ça, comment tu le ferais? Ben là, tu vas trop vite, du coup, parce que en fait, c'est aussi selon leur réponse que j'adapte, que je fais l'étape suivante. C'est en fonction de ce qui est comme réponse à une étape que je vais à l'étape suivante. Ouais, alors je vais trop vite. Et pourtant, quand tu as posé des questions, tu as vu qu'ils t'ont répondu. Oui. Ils t'ont répondu. Et est-ce que tu as du temps devant toi, hein? Mm-hmm. Tu as une bataille à préparer. Mm-hmm. Bon. Et... Attends, des vols de bruit. Ouais, bon. Une bataille à préparer, si tu veux. Et c'est ce temps de préparation qui va être mis à propos pour mener à bien cette bataille. Et moi, je crois qu'on a un temps formidable devant nous, hein, et qu'on peut l'exploiter. Oui. Bon, c'est ça que je te propose. Oui. C'est ça que je te propose. Bon, alors, bien sûr, tu ne vas pas l'exploiter de la façon que tu attendais avec une AG champêtre, mais tu as moyen, dans cet auditoire que tu as là, sous la main, eh bien, tu as moyen de les mettre en marche. Oui, alors, c'est ce qui est en train d'être fait, là. C'est pour ça que j'ai avancé un peu sur la page « Action ». Mais il y en a qui vont se mettre en marche parce qu'ils ont répondu « je veux m'engager ». Oui. Et il y en a d'autres qui ne se mettront pas en marche et qui vont rester en observateur. Donc déjà, j'ai séparé les moutons et les boucs. Voilà. Bon. Et donc, ceux-là qui que tu veux mais qui se disent prêts à marcher, dans quel sens tu vas exploiter, dans le sens noble du terme, leur volonté? Ben ça, c'est là que justement je posais la première question. Elle date d'il n'y a pas longtemps, hein, la question sur le moyen de travail. Et c'est là que je m'aperçois que ça va pas être évident. C'est-à-dire au niveau téléphone, WhatsApp, site, plateforme de travail, ça va pas être facile. Voilà. Non, ça c'est sûr. Une question qu'on aurait pu poser, c'était la tranche d'âge. Marc, tu les connais. Là. Ah oui, je les connais tous. Ouais. Et la tranche d'âge, c'est... Ah, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Hein. Ouais. Mais par contre, il y a trois professeurs de Kerplouze, ouais, qui, eux, gèrent des jeunes. Donc, ouais, eux, ils sont intéressés pour justement introduire les jeunes dedans. Bon. Et ils sont prêts à le faire ? Et eux, ils sont arrêtés en ce moment. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dirais que sur la façon de travailler, ben, j'avance avec la vitesse que je sens, en fait, là-dedans, puisque petit à petit, je fais une relance, j'ai des réponses, mais les réponses, elles sont beaucoup plus lentes à obtenir que la question à poser, je dirais. Et c'est peut-être l'exploitation du questionnaire que j'avais commencé à faire, oui, et c'est bien qui ça permet de savoir où déjà commencer à débroussailler un petit peu quelle est l'orientation qu'on va donner. Bah, il y a des pistes, hein, là. Oui. Il y a des pistes. Tu veux qu'on en parle du questionnaire? Ah oui, c'est bien. Moi, j'ai commencé, là, j'ai pu recommencer à m'asseoir. J'ai fouiné dedans et je me suis aperçu encore qu'il y avait des gens qui avaient répondu ce matin, donc c'était bah, chouette. Tu vois? Alors, le questionnaire. Bon. Alors, j'ai dans le questionnaire, bon, je t'ai envoyé le petit message avec le début du traitement. Oui. Il y avait une correspondante roumaine qui avait répondu trois fois. J'ai éliminé donc deux réponses sur trois. Oui. En laissant la réponse côté international, puisque de toute façon elle n'est pas juste à côté, donc elle va se mêler avec les autres. Et puis l'autre, je l'ai gardé parce que il y en a une là, une artiste qui a répondu en cochant quasiment toutes les cases. Ouais. Je lui ai demandé de refaire, mais j'ai l'impression qu'elle est partie parce que là, pour l'instant, elle ne répond pas, donc elle doit être ailleurs en ce moment. D'accord. Alors j'ai gardé quand même sa réponse parce que bon, il y avait quand même des choses qui étaient censées dessus. Oui, oui, oui. Alors, pour vous, jardin signifie plutôt quoi? Lieu de bien-être et de sérénité. Ouais. Bon, c'est clair, hein? C'est clair. Bon, ceci oui, mais ça veut dire. Ouais, mais qu'est-ce que tu. Tiens, si on prend le questionnaire. On dit, pour vous, jardin signifie plutôt quoi? Réponse, lieu de bien-être et de sérénité. Tu tires une flèche vers la droite et tu dis action. Qu'est-ce que ça engendre comme action? Lieu de bien-être et de sérénité. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu. Il y en a très peu qui ont répondu, je crois qu'il n'y en a que deux qui ont répondu que c'était un endroit où on pouvait... cultiver des patates et voilà. Donc, c'est là que l'on peut développer. Et c'est vrai que développer, c'est quoi un lieu de bien-être? Et je sais que, par exemple, pour les deux du jardin, c'est un lieu de mémoire. Pour eux, le bien-être, c'est se rappeler, en fait, ce qu'elles ont vécu sur cette ouais, onde-là. Ouais, en fait, d'accord. Ce sont les seuls qui peuvent parler comme ça. Bah, oui, mais bon, donc on ne peut pas en faire une ligne de mire, quoi. Voilà. Non, mais moi, la question, je suis toujours dans la philosophie de l'action. Hein. Mmh. J'imagine que tous ces gens qui t'ont répondu, tu peux continuer de causer avec eux. Oui, mais tout à fait. Et tu peux peut-être leur demander ce que c'est qu'un lieu de bien-être et de sérénité. Alors, moi, ce que je voulais faire par rapport à ce questionnaire, c'était déjà de donner le résultat. La synthèse, ouais. La synthèse de ce questionnaire, bien sûr. En disant ce, oui. qui est, ce qui ressort en principal là-dessus, et ensuite de reposer derrière des questions de détail. Eh ben qu'est-ce, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Eh ben voilà. Donc, on est parfaitement en ligne de... Comment dirais-je ? Un même niveau de réflexion. Mais profitez de ces réponses, de oui. conserver que l'essentiel. Pas oui. se noyer dans des... De conserver pour chaque question une réponse. Voilà. Oui. Pour vous, le jardin signifie plutôt un lieu de bien-être et de sérénité. Et toi, Polo, qu'est-ce que tu entends par un lieu de bien-être et de sérénité ? Comment aimerais-tu t'impliquer dans le futur pour oui. construire ce lieu et le rendre plus et le rendre comme un lieu de bien-être et de sérénité? Qu'est-ce oui. que tu penses qu'il faut faire? Sachant que pour beaucoup, en fait, la vie qui a du sens, c'est super important. Attends, donc, pourquoi tu me dis ça? Parce que, en fait, l'action qu'ils vont mener, c'est pour donner du sens à leur vie. Mais bien sûr, ouais, mais ça, c'est des questions plus bas, ça. Oui, ouais. bien sûr, nous sommes d'accord. Donc, en fait, on va un peu répondre aux deux. On va relancer, en fait, deux choses à la fois. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand ils vont commencer à raisonner, à réfléchir sur bien-être et sérénité, ils vont le faire de telle façon qu'il y ait du sens. Tu ne crois pas? Non. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que ça voudrait dire que les gens sont monolithiques, qui... Non, je ne le crois pas. Et parce que je ne le crois pas, mais j'aimerais qu'ils nous le disent. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu de bien-être et de sérénité? Qu'est-ce oui. que... Bon, après, que ça soit un lieu dans lequel il se retrouve parce que c'est un lieu qui est cohérent et qui est en conforme à leurs principes et à leur idéologie, oui, mmh. mais laissons-les répondre. Oui, alors c'est là que je pense que je pense ouvrir la question, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre, faire un quiz là-dessus ou un QCM, c'est très court, c'est trop court en fait. Ah, il faut, mais qu'on puisse dire beaucoup plus de choses, on aura sans doute beaucoup plus de choses à lire. Oui, oui et non. Je sais pas. Je crois qu'il faut y réfléchir. Je sais pas. Je voudrais pas leur mâcher le travail. Ah, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Est-ce que tu penserais que ton questionnaire était suffisamment tendancieux pour les amener à tes vues? Est-ce que quand tu vois les réponses, est-ce que tu es surpris des réponses ou est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je m'attendais à ça. Je m'aperçois aussi que... comme tu posais la question déjà depuis quelques fois, de amour et foi ouais. que je mettais là-dessus, c'est ouais. vrai que la question amour ne tombe que... alors, c'était à la question 3, et en fait, ça ne représente que entre aimer et être aimé, c'est 30%. Ouais. Donc, en fait, l'amour n'est pas... Ou alors, on n'a pas la même définition. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ça tu es bien conscient que je t'ai déjà dit que oui. quelle est ta définition de l'amour? Quelle est ta définition de la foi? Et est-ce qu'on peut la partager ou pas? Voilà. Oui. Voilà. Non, mais moi, je pense, si tu veux, toutes les réponses que j'ai vues... tout ça, ça me paraît bien cohérent avec l'entendement de mes congénères de ma génération. Oui. Voilà. Bon. Je n'ai rien appris. sinon que je suis rassuré que les choses aillent dans ce sens-là. Mais, encore faut-il que ce sens... Je propose qu'on continue les questions. La 1, c'est clair. Alors la 2. Pour vous, merveilleux signifie plutôt quoi? Hein, t'as rien souligné. Ah, ben oui, parce que c'est pas... Il n'y a aucune majorité qui se dégage. Qui se dégage. Alors, ça veut dire quoi, ça? Si ce n'est qu'il y a quand même entre... C'était un peu redondant. C'est-à-dire, intense émotion, intense bonheur, bonheur durable. Ouais. C'est vrai que quand tu cumules tout ça, tout le monde a envie de... d'avoir quelque chose de vachement intense. Ouais. De vivre quelque chose d'exceptionnel. Hein, voilà. Ça, c'est clair, hein. Voilà. Donc, moralité de tout ça, tu vois bien que le merveilleux, qui est l'objectif final, entre guillemets, eh bien, c'est à lui qu'il va falloir donner un sens. Oui. Et ce sens-là, si tu veux, à mon sens, c'est le plus complexe. C'est le plus complexe. Et d'ailleurs, ton auditoire, à sa façon, te le dit. Allez. Pour vous, le bonheur, le bonheur, une vie qui ait du sens, ne pas avoir peur, créer, inventer, etc. Bon, une vie qui ait du sens. Ben voilà. Bon, est-ce que c'est ça ta définition du bonheur, toi, une vie qui ait du sens? Ah, pour moi, ouais. Aimer, ça a du sens. Voilà. Donc, c'est aimer. Quand je te pose la question bonheur, tu réponds par le mot aimer. Ah oui, moi c'est aimé. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, ça englobe tout. Ouais. Oui, mais n'oublie pas une chose, c'est que tu te mets au-dessus de la mêlée. Mets-toi à la portée de tes congénères. Je ne sais pas si c'est au-dessus. C'est, on s'aperçoit qu'ici, il n'y a que 30% d'aimé, c'est tout. Bah oui. Voilà. Bon, allez. Pour vous, jardin merveilleux signifie plutôt lieu qui ressource ou lieu qui interpelle? Ah, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Lieu qui ressource ou lieu qui interpelle? Moi, je crois qu'il faut poser la question. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, jardin merveilleux, il y a jardin bien-être et sérénité, et puis jardin merveilleux qui est lieu qui ressource. Ouais. C'est vrai que bien-être, sérénité et ressource. Ça va bien. Bah ouais. Eh oui. Ça va bien. Bon, mais ça va comment? Voilà. D'où la question. Voilà. ça va sans doute différemment pour chacun. Voilà. C'est vrai que les personnes que j'ai pu rencontrer justement en discutant avec eux, c'est pas. Il faut qu'ils arrivent à entendre, à écouter les autres. Quoi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... se ressourcer, ce n'est pas forcément la même chose pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est clair. Mais ils ont tous besoin de se ressourcer. Ça, c'est clair. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, en fait... Une question, oui. Parce que là, j'ai du mal... Parce que j'ai essayé de juxtaposer les réponses françaises et les réponses internationales. Et j'avoue que j'ai un peu de mal, là, parce qu'il aurait fallu que je fasse une édition papier pour bien comprendre. Mais je l'ai fait. Ce que tu as en rouge, oui. Ce que je t'ai mis en rouge, oui, c'est l'international, et l'autre, c'est le français. Je l'ai compris. Mais moi, ma vision de l'international, c'est pas qu'un pourcentage. Ah oui. C'est ce qu'il y a derrière le pourcentage qui m'intéresse. Oui. Donc, la question, c'est que... Est-ce que lorsque tu es franco-français, tu as une sorte de communion dans le sens des choses? Oui. Ou est-ce que... On peut dire que les Européens et les petits Français, ça peut se marier. Ça peut se marier. Et encore, comme tu as des tas de nationalités, si tu veux, c'est la démarche qui les intéresse. Au niveau, en fait, c'est pas pour venir à Auray pour eux. Oui, oui. S'ils viennent à Auray, c'est pour voir comment ça se passe, oui. Mais c'est pour faire la même chose chez eux. Après. Mais j'ai bien compris. Voilà. Donc, en fait... Donc, les objectifs sont un peu différents. Oui. Les motivations sont différentes. Ben, oui, oui et non. C'est-à-dire que, de toute façon, on arrive à des choses qui sont relatives. Il y a quelques petites différences, hein, par-ci, par-là, hein, au niveau du... au niveau international et au niveau français, mais l'objectif est quand même le... c'est vrai que le lieu qui ressource, par exemple, j'en ai que 1 sur 5. En international, alors c'est 70% pour les autres, hein, pour le français. Quoi. Mais par contre, la question de... on retrouve par exemple un max sur la bonne santé. Le bonheur, c'est quoi? C'est la bonne santé. 60%, 3 sur 5, bon. Ouais. C'est ouais, mais est-ce que c'est pas tendancieux? Est-ce que c'est pas tendancieux compte tenu de l'époque? Voilà. La bonne santé, effectivement, c'est quand même une préoccupation. Oui. Pas de souci. Bon, voilà. Alors, maintenant, comment tu vois la suite du film? Moi, je serais d'avis de pousser un peu le bouchon. Oui. Moi aussi. De dire, voilà, vous avez répondu ça, bon, maintenant ça veut dire quoi pour vous? Et en question ouverte, ouais, mais question ouverte à réponse courte. Parce qu'après, il faut l'analyser. Hein. Oui. Tu me diras, on joue sur une trentaine de réponses potentielles. Hein. Alors, j'ai eu, en fait, il y avait des choses qui étaient écrites, tu sais, dans les autres, derrière. Oui. Et puis, il y a des gens qui m'ont envoyé un mail en disant on n'avait pas assez de place pour pouvoir répondre dans l'autre. Alors, C'est intéressant. Ça, c'est bien. Et alors, il y en a beaucoup qui ont voulu causer? J'en ai quatre. Ah, mais c'est vachement bien, ça. Parce que ceux-là, c'est depuis le départ, je te le dis, les autres m'intéressent au moins autant que tous les autres. Parce que les autres, ils ont la motivation, ils ont un niveau de réflexion qui les fait passer... Faut remonter un petit peu. Il faut faire attention. On n'a pas. En fait, on a un. C'est pas un auditoire. En fait, on a une équipe d'acteurs qui est de milieux sociaux très variés. Oui. Très variés. Oui. Oui. Là, dedans, moi, j'ai un Suisse qui, lui, il n'y a aucun problème au niveau financier. Par contre, c'est un gars qui est quasiment en haut d'une chaîne d'une entreprise. C'est pas le premier, mais c'est un des suivants. Et il a un peu honte de ce qu'on lui demande de faire en Suisse, c'est tout. Et donc, lui, pour lui, c'est un exutoire. C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et le jardin merveilleux, c'est comment rattraper toutes les bêtises qu'on me demande de faire. Et de l'autre côté, tu as Sylvie Dujardin qui, elle, me dit « Moi, je ne vais jamais sur Internet. Dès qu'il fait beau, je suis dans mon jardin. J'écoute les oiseaux. Je regarde mon cerisier qui fleurit et tout ça. » Voilà. Là, on est à haut deux extrêmes. Ouais. Mais... Et les deux veulent s'engager. Bien sûr. Bien sûr. Alors, comment exploiter cet engagement? Et... Moi, je pense que... Attends, il y a une chose là que je voulais te dire, puis que tu viens de me le rappeler. Les deux veulent s'engager. On a demandé aux uns et aux autres s'ils voulaient ou pas s'engager. Bon, la grande majorité souhaite s'engager. Mais moi, je poserais la question, vous engager à quoi faire? Oui, mais de façon concrète, ou plus ou moins concrète, ça dépend, parce que... il est sûr que ton banquier suisse n'aura pas tout à fait la même réflexion que la mère du jardin, mais il n'empêche qu'il était, en fait, il était prêt à venir me donner un coup de main pendant 15 jours fin mars. Le Suisse? Oui. Ah. Il avait déjà pris son billet de train. D'accord. Bon, ça c'est des hauts niveaux de motivation. Oui. Et c'est un jeune, il a 4 ans de la retraite. 4 ans de la retraite. Ouais. Il travaille dans la banque, il travaille dans la finance. Oui, dans la banque. C'est des drôles, hein. Tu sais, j'en ai appris la dernière fois sur la banque suisse. Le décès de mon père avait un portefeuille en Suisse. Une catastrophe. Mais bon. Lui, il disait, confiné, oui, on est confiné en Suisse, mais j'ai en fait tous les... Son rôle, c'est de placer les frais, de faire fructifier de l'argent. Ce qu'ils font tous. Alors, je te raconte une minute, là, mon histoire de mon père. Donc, il avait un portefeuille boursier en Suisse, un compte en Suisse avec un portefeuille dessus. Et au décès de mon père, eh ben, on a demandé aux Suisses de revendre tout, le portefeuille. Voilà. Et le banquier nous répond, voilà, tout est revendu, sauf ça. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est une action émise par la banque UBS, hein, pas des rigolos quand même. Oui. Une action émise par UBS qu'on n'a pas pu revendre. Parce que personne ne veut l'acheter. Oh. Personne ne veut l'acheter. Et c'est quoi? Ben, c'est un truc hyper toxique qu'on a fabriqué. Tu sais, ils font des produits suisses, quoi. Qu'on a fabriqué et on ne peut pas la vendre. Ben, je lui fais, c'est pas grave, mais comme on a un compte suisse en France, etc., on va l'amener là. Et puis on va le vendre aux banques françaises. Ah mais il fait non, vous ne les vendrez pas, parce que personne n'en veut du truc. Ce qui fait que on ne pouvait pas se... Heureusement, on ne jouait qu'à 1500 euros. Mais c'est quand même 1500 euros. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors j'ai fait, comment on peut faire pour se libérer de ce truc, quoi? Parce que tant qu'il y avait ça, on ne pouvait pas récupérer nos sous. Et là... les gens m'ont dit, bon ben c'est simple, hein. On va faire don, vous allez faire don de ce truc toxique à la Croix-Rouge. J'ai fait, mais vous marchez sur la tête, c'est hallucinant. Mais avec un aplomb, une immoralité, mais totale, si tu veux. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Voilà. Allez, j'en ai fini. mais je comprends très bien ton banquier suisse qui a envie de venir s'oxygéner en vrai, parce que c'est beaucoup plus paisible. Ça, c'est vrai. Bon. Alors. Oui, alors, donc. Je ne sais plus où on en était. On en était, justement. On est en train de discuter sur la poursuite et le questionnaire suivant. La suite du film. Pousser le bouchon. Ouais, on pousse le bouchon. Moi, je reprendrai les items que tu as soulignés en vert. Ceux qui ont les meilleurs suffrages. Oui. Et je... Par question ouverte, je leur demanderai d'affiner leurs pensées. Oui. Et au terme... de ce... Oui, petit à petit. Donc, ils affinent leur pensée, mais il faudrait que ça soit assez court, parce que après à l'analyse, je te... Marc, c'est pas grave. Je peux donner quelques champs suggérés qui nous permettront de déjà classer un peu la chose, mais par contre, mettre dans l'explication autre un peu plus de lignes pour que... Sachant que pour ceux qui... Parce qu'il y en a deux qui m'ont reproché de ne pas avoir laissé assez de lignes. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Alors, sur les quatre qui m'ont répondu, et je leur ai répondu c'est un questionnaire Google. Donc, il s'agissait de traiter ça de façon simple. Ouais. Et de toute façon, vous avez mon mail pour pouvoir en dire plus. Et donc, vous n'avez pas hésiter en fait à le faire, puisque vous m'avez écrit. Ouais. C'était un peu ça. Ouais. Alors, du coup, il y en a une autre qui a relancé la chose en disant Ah, mais alors c'était un peu téléphoné. En gros, on est manipulé. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Bon, alors, c'est pour ça. Non, tu vois, je ne pense pas qu'il faille faire des propositions d'items. Oui. Moi, je mettrais carrément un champ libre. Oui. Mais il s'exprime. Et... Ouais. On a du temps actuellement. Oui, donc, on a du temps. Je suis prêt à lire. Oui, non, mais attends, il faut. C'est pas que lire. Il faut surtout, derrière les mots, bien comprendre. C'est ça. Parce que la difficulté que l'on va rencontrer, hein, c'est qu'on est quand même sur. On tend vers l'abstraction. Donc, on tend vers des idées pures, nous dirait Monsieur Emmanuel Kant, qu'il va falloir rendre un peu moins pures. Mais c'est peut-être ça, ouais. Ou alors, orienter la question. Dire, voilà, il est ressorti pour vous, le jardin signifie lieu de bien-être et de sérénité. Pourriez-vous nous donner 2-3... Tu vois, tu dis, voilà, pourriez-vous nous donner 2 ou 3, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà commencé à guider. Oui, voilà. Parce que sans ça, c'est un peu comme le choix dans les épreuves de français du baccalauréat, où tu as l'explication de texte, et puis derrière, tu as la grande dissertation. Où, exactement. Et tout le monde ne sait pas forcément cadrer et, structurer ce qu'il va écrire. Ouais. Et je m'attends d'ailleurs à des trucs pas possibles, quoi, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'ont écrit, outre les fautes d'orthographe. Ouais. Il y a des moments où on se prend la tête pour comprendre exactement ce qu'il y a derrière. C'est Madame Michou, hein, à cause que le petit n'a pas été au lycée hier tantôt, quoi. Hein, c'est... bon, c'est ça. Alors, mais il y a peut-être moyen de le faire sur le questionnaire, ça. C'est-à-dire, lieu de bien-être, cette sérénité, donnez-nous 2 exemples, par exemple. Et tu laisses... alors, ce qu'il faudrait, c'est vérifier sur les questionnaires. Alors, attends. Ça va, ton dos, il suit encore? Ça va? Oui, je gère. Tu gères? Bon. Je gère. Il y a une chose, par exemple, qui... Est-ce que je fais appel à un passé ou pas? De toute façon, à mon avis, ça va revenir. Des gens qui vont chercher dans leur vie... Parce que j'ai déjà 2 internationaux qui m'ont répondu comme ça. Le meilleur moment de ma vie, ça a été ça. Et en gros, c'était presque pour le retrouver. Oui. C'est clair. C'est ça. Oui, mais alors, là, on est dans de la psychanalyse. Oui. En fin de compte, tu demandes à... Attends, je regarde un peu comment c'est foutu, Google Forms. Oui, pour savoir quelles sont les propositions que l'on peut avoir là-dedans. Oui. Ouais, non, mais les champs textes. Oui. Ajouter autre. Comment c'était foutu ce truc? Dans celui qu'on a fait, il y avait la possibilité de mettre une seule ligne ou plusieurs. Oui, mais c'est les plusieurs que je veux vérifier. Il me semblait qu'on pouvait rajouter autant de lignes qu'on voulait. C'était à nous de définir le nombre de lignes. Alors, si c'est ça, c'est bien. Bon, ben voilà, tu définis ça sur 3-4 lignes. Oui. Par exemple, tu vois. Et puis tu me mets un nombre de lignes différents selon telle ou telle question. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. De toute façon, ils savent tous que s'ils ont envie de s'épancher, ils ont le mail. Ils peuvent causer. Ouais, mais... Ouais, écoute. Moi, à mon sens, plus tu peux les aider... Tu ouvres la route, quoi. Voilà, il faut parce qu'il y en a qui ne se sentiront pas. Hein. Voilà. Comme tu dis, il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Hein. Voilà, donc, tout à fait, bah oui. Ça, tu peux pas... Paragraphe, réponse longue. Je regarde la réponse longue par rapport à la réponse courte. Paragraphe, réponse longue. Mais bon, la réponse longue, c'est... Et la réponse courte, ça fait quoi? J'essaie de comprendre un peu comment c'est foutu. Réponse courte, toc. Ouais, même la réponse longue, ça va pas très très loin. Hein. Oui. Bon, de toute façon, je vais faire on va fouiner dans les formulaires pour savoir ce qui correspond mieux. Bon, il faut déjà pondre les choses qui vont être demandées. Voilà, voilà. Tu sais ce que je te propose? Comment ça? Oui. On fait comme l'autre fois. Tu fais déjà un premier texte, et puis après, j'essaye de le mettre en musique, et on échange réponse longue, réponse courte, etc. Mais à mon sens, il faut exploiter les bonnes volontés et battre le fer quand il est chaud. Oui, c'est ça. Bon, en ce moment, il est un peu battu, puisque en fait, j'ai envoyé une question concernant justement la plateforme de travail, et j'attends des réponses. Alors, comme j'en ai eu que 3 sur 15, ils sont combien déjà 22. Donc, 22, 25, plus les étrangers. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a déjà de quoi faire. Bon. Ils ont déjà de quoi orienter. Bon, les étrangers, je ne les ai pas sollicités parce que je sais que eux, Skype, espace numérique de travail et tout ça. Ça n'a pas de secret pour eux. Ça n'a pas de secret. Non, mais en fin de compte, je pense que il faut que tu t'imagines à ton assemblée générale champêtre, tu le gères par l'outil informatique, quoi. Mais d'arriver à ce brainstorming, je pense que de façon relativement simple, tu peux avancer, quoi, sans... Tout à fait. Je peux déjà débroussailler devant et arriver déjà avec un certain nombre d'éléments de réponse au moment où on se retrouvera tous pour en discuter de façon un peu plus face à face. Ouais. Il faut que les gens se connaissent et se reconnaissent, en fait. Et pour l'instant, c'est pas facile du tout. Hein. Non, mais... Bon, je pense que cette étape-là que tu évoques n'est pas... pour moi, mais c'est toi le boss, hein, pour moi, elle n'est pas aussi importante que tu le dis. De quoi, la réunion ? Ouais. Ouais. Ouais. Parce que, moi, tu sais, j'ai fait beaucoup parler les gens, en long, en large et en travers. Certainement moins que toi, parce que je n'étais pas enseignant, mais mon métier, c'était de faire parler les gens, pour savoir ce qu'ils avaient envie de faire et comment ils voulaient le faire. D'abord, tout le monde n'a pas envie de parler. Oui. Et ensuite, ceux qui ont envie de parler, quand tu connais ton sujet, hein, tu n'apprends pas souvent grand-chose. Quand tu connais le sujet, là, moi, je ne m'aventurerais pas à dire je connais le sujet. Non, mais je pense que toi qui as un peu de recul dans ce domaine-là, c'est pas parce que tu aurais les gens en face de toi que tu avancerais plus vite. Non, c'est pas. En fait, les gens, je les fais avancer par une relation perso. C'est plus en face à face qu'on arrive à. Oui, mais c'est à du travailler one... et à croître ensemble. Hein. Mais c'est du one to one. C'est du one to one. C'est pas avec un auditoire, même champêtre. Non, mais par contre, le côté champêtre, c'est le partage. Oui. C'est de dire, on est tous différents, mais par contre, on œuvre ensemble. Quoi. Oui, mais alors attends. C'est intéressant ce que tu viens de dire, le partage. Ça, c'est un mot que je connais bien Alors, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Si, imaginons que tu sois toujours dans ton AG, là, hein, oui. et à faire ton brainstorming, hein, bon, le paperboard, là, tout le monde lit ce qui est, où on essaye de comprendre ce que les uns et les autres veulent dire. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble, hein? Parce qu'un brainstorming bien conçu, c'est on échafaude les idées, et puis après tu prends ton auditoire et dire voilà, ces idées-là, on va leur donner des priorités, et une fois que tu as donné des priorités, ces priorités, elles sont prises, et est-ce qu'on peut les partager ou pas ensemble? Mmh. D'accord ? Bon. Moi, je pense que si tu avais voulu faire ça lors d'une assemblée générale, c'est toute une mécanique extrêmement lourde à mettre en œuvre, qui ne se serait pas forcément soldée par quelque chose de très constructif. Oui. Et si ça ne se solde pas par quelque chose de constructif, tu fais de la contre-performance par rapport à ton auditoire. Parce que l'auditoire dit « Ah ben ouais, c'était vachement sympa, on a bu un bon coup, c'était bien, etc. » Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on ne sait pas, on n'a pas compris, on est ci, on est ça. Alors que petit à petit, là, quand tu as ton petit monde qui est figé, certes, sur des outils un peu abstraits, etc. Mais là, les gens vont voir le monde des idées commencer à germer. Mmh. Ils vont voir que leur action peut être suivie d'effet et être réalisable. Ah oui, ah oui, toujours bien préciser dans les questions que on soit dans quelque chose de réalisable, hein, parce que sinon ça peut dégénérer assez rapidement cette affaire-là. Voilà. Donc, moi, je crois bien qu'un débat, même numérique, bien mené, pourrait être vachement plus constructif pour toi, construire un plan d'action après. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. L'affaire de l'AG, Benskermil, etc., c'était dans la foulée c'était quelque chose que j'avais conçu au mois de janvier. Dire voilà, bon, je viens chaque mois, je rencontre différentes personnes. Petit à petit, en fait, je fais chauffer la marmite, je fais chauffer le bouillon. Et puis, à un moment, il faut quand même se retrouver pour que chacun sache qu'il va se passer quelque chose. Et là, en fait, avec le Covid-19, ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc, ça va se faire à distance. Et bah, ça va se faire par écrit. Par contre, je constate que par écrit, la compréhension est beaucoup plus difficile. Parce que quand tu n'as pas compris avec un face-à-face, bah, tu demandes de répéter d'une autre façon. Et là, par écrit, ce n'est pas évident du tout. Hein. Ah, c'est clair. Au fait, est-ce que tu as regardé le mot égrégore? Alors, qu'est-ce que tu m'avais dit? Grégor ou égrégore? E-G-R. Ah, oh, moi j'ai cherché Grégor. Égrégore. Égrégore. Je pense qu'il y a E accent aigu. D'accord. Égrégore. Non, là du coup, j'ai pas cherché ce mot-là. Tu regarderas. Non, parce que c'est tout à fait en rapport avec ce que tu viens de me dire. D'accord. On est bien en face. Bon, mais je pense aussi que tout ce travail un peu laborieux que nous faisons maintenant, tu pourras très bien le présenter dans une AG, dans quelque chose, et là, tu peux mettre en marche encore plus facilement les choses. Effectivement, tu les as devant toi, mais tu as un plan. Tu as un plan qui est démocratique, puisque c'est le relevé de ce qu'ils souhaitent faire, si tu veux. C'est ce qu'ils ont dit. C'est bien ça, un brainstorming. Tu prends en compte tout. Et à partir de là, ouais. Alors, il y avait une chose que j'avais pensé aussi. C'était, on peut commencer à imaginer, chacun peut commencer à imaginer quelque chose. C'est pas évident pour tout le monde, hein. Il y en a qui sont plutôt dans la... dans le... comment dire ça, dans l'action. La répétition, oui. Et puis de ce qu'ils ont déjà eu, et donc qui voudraient Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est oui. Intéressant, ça, ouais. C'est subliminal. Voilà. Ouais. Et alors? Et puis, et là-dedans, en fait, c'était de... lors de cette réunion, c'est ce que, un peu ce que je suis en train de préparer, c'est de faire venir des gens qui vont nous dire l'état des lieux. C'est-à-dire, ce jardin, voici où on en est actuellement. Déjà, je suis en discussion avec un topographe pour la question de la topographie sur place. C'est-à-dire faire un levé topographique et pour faire une démo. Comment ça, comment on fait? Et puis, avec un botaniste. C'est-à-dire, voilà, sur place, on a ça, ça, ça et ça. Ce qui permet de dire déjà la richesse du terrain tel qu'il est actuellement. Ouais, alors, tiens, juste une petite aparté, parce que, tu sais, en ce moment, ici, il fait un temps magnifique. Oui, ici aussi. Et nous mangeons dehors sur notre balcon. Et tous les jours, on regarde ton terrain, oui. Et on voit qu'il est au soleil. Oui. Mais il est au soleil fin de matinée jusqu'à 4-5 heures, jusqu'à 4-5 heures en ce moment. Mmh. Donc, un terrain au nord aussi ensoleillé, c'est pas mal non plus. Ah mais il est super ce terrain. De toute façon, il nous a pas tapé dans l'œil comme ça. C'est-à-dire, il a vraiment une spécificité. Il est orienté nord, mais une partie entre le printemps et l'été, il y a une grande partie qui reste ensoleillée. Par contre, il y a toujours une partie qui reste à l'ombre, c'est celle où il y a de la mousse. Là, tout à fait. À cause du mur qui est à l'amont, ça il y a. Tout à fait. Et il y a affaire avec l'ombre et il y a affaire avec le soleil. C'est ça qui est frappant. D'accord. Alors, je reviens sur ce que tu disais juste préalable, de faire intervenir un topographe et un naturaliste. Ouais, ouais. T'en connais? Moi, j'en connais, oui. D'accord. Mais si tu si t'as quelqu'un que non, tu non, non, que non, tu non, aimes non. Bien, non, non, je... Non, non, non. Mais je trouve intéressant... Ouais, faire un état des lieux, quoi. Moi, j'en ai un. Tu sais qu'il y a des... je suis en relation avec d'autres associations sur Auray. Avec qui tu es en relation? Les mains vertes du pays d'Auray, par exemple. Ouais, d'accord. Et là, ils ont des naturalistes. Bien sûr. Donc, moi, je prends sur place. Ouais, je préfère prendre parce que ça motive plus de gens. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, tu les embarques, bien sûr. Et puis, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et au point de vue de topographie, t'as... Ah oui, moi, j'ai déjà, puisque c'est le gars qui a déjà fait le à qui on avait demandé en 2018, B3. Alors, c'était pas avec moi, c'était avec les Dujardin, un alignement... cadastral. Donc quelqu'un qui a déjà travaillé sur place, qui m'a envoyé d'ailleurs justement ses rapports là-dessus, et qui m'a fait une proposition de reconnaissance topo. Et je lui ai dit, ben voilà, à travers l'association, vous pouvez aussi faire ça, mais sous forme d'un don, de travail, don de service, ça se fait. Oui, oui, tout ça fait. Et c'est reconnaissable, etc. Donc on est sur ce chemin-là. D'accord. Non, t'as le personnel ressources, ça c'est important. Ça, c'est, oui. Ça c'est important. Bon, eh ben, dis-moi. Et ce sont des gens du lieu, c'est ça qui est. Oui, oui, oui, oui. Eh ben, les gens du cru, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Dis-moi, on commence à bien avancer là, ça va bien. Mais j'aimerais quand même qu'on réfléchisse ensemble, alors est-ce que c'est le moment, à cette fameuse plateforme collaborative dont tu parlais tout à l'heure. Qui simplifierait bien la relation entre tous ces gens qui vont vouloir, qui acceptent de s'impliquer par écrit. Oui. Ou verbalement, je ne sais pas ce qui peut se faire verbalement, j'en sais rien. Et et former déjà un petit noyau de gens qui ont envie de causer les uns avec les autres pour faire bien avancer le projet. C'est, tu vois, c'est un truc que je voulais lancer. Bon, quand je te parlais d'AG, c'était aussi quelque chose à faire. Moi, le fait que Sylvie continue de travailler et qu'on lui demande de travailler à distance avec, pour des cours de français à des étrangers, c'est pas évident du tout parce qu'en général, ce sont des migrants, donc ils n'ont pas beaucoup de ressources, etc. Bien sûr. Et c'était quelque chose qu'on a déjà fait dans le cadre de l'association ARIA. Et on a des ordis. On a des ordis, moi j'ai des ordis ici, qui peuvent être reconfigurés, qui peuvent être prêtés, qui peuvent être... Voilà. Donc les gens qui n'en ont pas peuvent très bien, on peut très bien les y mettre. Et le fait de se retrouver, c'est aussi une façon de dire, ben voilà, c'est un moment où on peut vous transmettre quelque chose, un outil, qui va permettre d'être un peu plus en relation les uns avec les autres. Ouais. C'est une possibilité. Actuellement, c'est la possibilité qui est proposée par le gouvernement pour tous ceux qui n'en ont pas. Donc, ils ont récupéré auprès de pas mal d'entreprises des ordinateurs portables. Et ces ordinateurs portables sont reconfigurés et distribués. Mais la vraie problématique par rapport à la population... que tu as sollicité, c'est pas le problème de l'ordi, c'est le problème de savoir s'en servir. Oui, c'est ça. Et ça, ça se fait pas par correspondance. Non, c'est pour ça. Oh, quoique, c'est important. Pendant plusieurs années, moi j'ai fait de façon un peu amateur, mais de la formation, des petites formations aux gens pour apprendre à se servir d'un ordi. Mmh. Et je le faisais avec Skype. Mmh. Et c'était intéressant. Non, moi, ma réflexion là maintenant, c'est de dire, voilà, je suis au coup d'après. Mmh. Les gens ont répondu au questionnaire, ont répondu ou pas, ça aussi, ça va être intéressant. Et à partir de là, bien terminer le questionnaire dans la façon dont ils veulent s'impliquer. Mmh. Et là, en leur faisant des propositions, en disant, voilà, je veux m'impliquer sur le terrain, je veux m'impliquer derrière mon ordi, je veux m'impliquer de ci, de ça, etc. Et ça, il faut que le questionnaire, me semble-t-il, se termine là-dessus, c'est-à-dire, c'est un petit peu la signature qu'ils vont donner aux réponses qu'ils ont faites initialement, dire voilà, j'ai dit ça, mais maintenant on va le faire. J'aimerais le faire de telle et telle façon. Voilà. Mmh. Pourquoi je disais ça? Ouais. Et oui, j'en suis toujours à ma plateforme collaborative, parce que une fois qu'ils ont dit voilà, on veut s'impliquer, ok, bon, il va bien falloir qu'il y ait un lieu de rencontre. Oui. Pour l'instant, collaboratif, et je pense qu'il faut jouer sur notre coronavirus pour les orienter de cette façon-là, hein, mais trouver quelque chose. Alors, j'aimerais que tu réfléchisses à ça, savoir sur quel... Parce qu'un fichier Dropbox, etc., bon, moi je voyais quelque chose d'un petit peu plus parlant, d'un petit peu plus stimulant. Les gens aiment bien jouer. En règle générale, les gens aiment bien jouer. Mmh. Et les faire jouer. Comment on pourrait les faire jouer? C'est pas simple du tout. Enfin, moi, j'ai très peu joué sur ordinateur. Ah non, mais oui, vas-y. Oui. Et donc, travailler sur par exemple, le topographe, il va nous passer, un plan qui sera en DXF ou en DWG ou je sais pas quoi, enfin, bref, un truc récupérable. Mais ceux qui savent maîtriser un logiciel de dessin, ils sont pas, mon ami, il n'y en a pas beaucoup dans le groupe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Bon, alors tu ne peux pas les faire jouer, ça va être hyper chiant pour eux, donc ce n'est pas très intéressant pour eux. Il y a des trucs qui sont un peu plus abordables, mais c'est pareil, je ne les sens pas du tout là-dedans. C'est-à-dire, essayer d'imaginer... on s'emmerde à essayer de dessiner quelque chose alors que... est-ce que je ne vois pas du tout comment Stéphane va s'amuser à dessiner une cabane d'un oiseau sur le dessin que je vais nous passer, quoi. Enfin, c'est pas très rigolo, ce genre de choses. Non, mais Stéphane, il dit, voilà, moi, mon jardin merveilleux, je vois des cabanes à oiseaux. Ok, tu vois des cabanes à oiseaux. Eh bien, fais-nous des projets de cabanes à oiseaux. Après, Stéphane répond, ben voilà, j'ai 5 projets de cabanes à oiseaux. Eh bien, ces cabanes à oiseaux, tu les sollicites à ton petit groupe et tu leur demandes de voter si la cabane orange est mieux que la cabane jaune, quoi. Oui, là, de ce côté-là, oui. Ben voilà. Bon, c'est des choses assez simples. Non, j'essaie d'imaginer... Alors, non, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que on est quand même soumis à des impédimenta assez complexes à gérer et à prendre en compte, si tu veux. Mais on est quand même, je ne sais pas si tu fais le même constat que moi, mais émerveillé par toute l'imagination qu'ont tous ces artistes, qu'ont tous ces gens qui te produisent chaque jour des choses formidables pour aller vers leurs congénères. Bon, ben voilà. Ben moi, je suis un peu dans cette réflexion-là, de me dire qu'est-ce qu'on peut, dans l'état actuel des choses, imaginer qui puisse... Ben, de quoi a-t-on besoin? Et c'est un peu la discussion que j'aime bien avoir avec toi, c'est que, bon, ben, tu es quelqu'un de très ouvert et avec qui on peut échanger, évoluer et progresser dans notre... Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien à quelque chose de vraiment collaboratif qui permette aux uns et aux autres de collaborer, mais de la façon la plus remarquable dans le sens étymologique du terme. Parce que ce qui est sûr, c'est que là où on peut retrouver le maximum de gens, c'est sur le téléphone portable. Par exemple. Donc, sur place, alors, donc logiciel de dessin, non, mais par exemple, comme tu dis, hein, choisir parmi plusieurs cabanes à oiseaux, quelle est celle qui nous intéresse, qui serait chouette, choisir par... Moi, j'ai posé la question pour le cerisier, dont la moitié est morte et moitié est vivante. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc comme ça, qui est mort-vivant? Ouais. Et c'est vrai que ça interpelle quelques artistes, là, on en a deux, là. Moi, je les vois bien faire des propositions là-dessus, quoi. Eh ben voilà. Et ça, ces propositions-là, eh ben, faut les mettre en musique. Ouais. Il faut les faire connaître, il faut... voir comment, puisqu'on est sur quelque chose où un maximum de personnes dans cet échantillon de démarrage est prêt à jouer. Bon, eh bien, faisons-les jouer. Bon, et utilisons effectivement tous les moyens à notre disposition pour jouer. Tu peux très bien imaginer que du jardin, pour reprendre. Connaissent quelqu'un qui sait se servir d'un ordi. Ah oui, ils ne peuvent pas collaborer. Non, ça, c'est pas possible. Bon, non, c'est pas un bon exemple. Non, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Voilà. Bon, j'ai pas d'idée aujourd'hui, mais j'ai commencé déjà. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est d'avoir un petit logiciel de suivi de projet. Oui, ça, j'ai. Tu l'as? Oui. Ah ouais? Comment ça s'appelle ça que je regarde? Bon, c'est l'organisation de chantier, c'était ce que j'enseignais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça, c'était ton job. Oui, mais c'est un truc convivial, c'est gratuit, déjà. Ouais, ça s'appelle C'est gratuit. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Sur mon ordi. Ça s'appelle pas Arsana par Gantt. Hasard? Gantt Project. Comment tu dis? Gantt Project. Ça G-A-N-T Project. G-A-N-T Project. Voilà, Gantt Project. Qui en fait travaille sur. Enfin, reprend et on peut faire suivre ça sur. Sur Excel. Ah, d'accord. Ouais. Bon, ça, c'est un logiciel de planification. Ouais. Mais je. Pour l'instant, C'est un logiciel pas. Oui, mais. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, je voyais quelque chose d'encore plus écuménique. Qui puisse marier les logiciels qui sont à notre disposition, ben là tu me dis Excel, très bien, mais capable de marier de l'Excel, de marier du Dropbox, de marier du Drive, etc. etc. Oui. Bon, alors moi j'ai trouvé un truc qui s'appelle Arsana. Mais je ne sais pas. Bon, il faut chercher. Mais est-ce que ça serait intéressant? Je pense que ça serait intéressant. Et qu'il puisse être partagé, toujours pour associer le groupe et mettre tout ce groupe en interaction les uns avec les autres. Quoi. Moi, je voyais déjà la question. Enfin, je partage, par exemple, le. Comment ça s'appelle ça, le planning, l'agenda, voilà. Ouais. Google Agenda, oui, par exemple. Ce qui permet de dire, ben voilà, telle date à telle date, c'est un tel qui fait ci, qui fait ça. Exactement, exactement. Bon, ben ça c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est accessible à tout le monde. Faut-il encore avoir un ordi? Mais c'est accessible. Ben ouais. Si, le téléphone, on l'a. On l'a sur le téléphone. Oui, oui, tu l'as partout. Si c'est Google Agenda, tu l'as. Tu t'en sers de Google Agenda? Oui, je m'en sers. Oui. Ouais, d'accord. Bon, ben voilà. Il m'a rappelé plein de trucs que je n'ai pas pu faire. Ah, mais tu t'en sers en gestion de tâches? Ben, j'ai fait de la programmation. J'ai programmé plein de choses, mais avec le confinement, en fait, tout ça, je suis en train de supprimer. Bon, et voilà. Donc, pour l'instant, ben, il n'y a plus grand-chose dessus. Quoi. Voilà. Le propre de l'homme, c'est de s'adapter. Bon, voilà. Alors, attends, je voulais juste faire un petit tour là, parce qu'il y a toujours un truc où je prends des notes. Alors, le site, il n'est pas référencé. Ouais. C'est pas bon. C'est pas grave, oui, moi ça m'ennuie. Hein. Ah. Ah oui, oui, non, mais parce que j'aime que les choses fonctionnent. Ensuite, oui, pas démultiplier les outils, création de plateformes numériques, gestionnaire de projets, etc. Ouais, ça faut éviter. Ça, je te l'ai dit. Gestionnaire Google Forms, ouais, voilà, bon. Et, ouais, et puis toi, tu dois travailler sur la page d'accueil, mais pour ça, il faut que tu aies l'inspiration. Sur le site, par exemple, oui. Je voulais poser la question, est-ce que l'on peut créer une page sur ce site, une page qui n'est accessible que aux acteurs? Je pense, oui. Ben, c'était à ce à quoi je pensais. Oui. Quand au début de notre heure d'entretien, là, oui. C'était ce à quoi je pensais. Bon, maintenant, il faut que je le vérifie. Il faut que je le vérifie. Donc, c'est l'ouverture sur le site de page avec mot de passe. C'est ça. Hein? Et donc, il y a une page pour les acteurs. Et puis, du coup, ils se sentent un peu privilégiés comme ça. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, c'est intelligent, quoi. Mais, alors, attends, on peut essayer d'avoir la réponse peut-être tout de suite. Google Site. Page, mot de passe. Gérer les mots de passe, c'est pas ça. Ah oui. Ouais, bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que je l'ai cherché tout à l'heure avant de téléphoner, avant qu'on se téléphone, qu'on cause tout du moins. Bon, faut que je regarde ça. Faut que je regarde, mais je pense qu'il faudrait tendre vers un truc comme ça. Oui. Parce que ça, c'est fédérateur. Oui, moi je trouve ça très bien d'avoir tout en fait sur le même site. Ben, mais bien sûr. Avec quelques machins qui n'ont pas besoin d'être accessibles à tout le monde. Ah, mais si on ne le fait pas comme ça, on peut peut-être le faire autrement. On peut faire un lien sur un truc. Exactement. Ben, tu vois, on travaillerait bien tous les deux ensemble, en parfaite symbiose là. Bon, page, mot de passe. Ouais, écoute. En faisant un lien sur un truc Drive, et sur le Drive, n'est accessible qu'aux personnes qu'on a choisies. Par exemple. Oui. Par exemple. Ouais. Ouais, bah, on arrive à la conclusion à laquelle j'étais arrivé déjà tout à l'heure. Mais j'aimerais bien qu'il y ait, ça serait bien une page, parce que comme tu dis, ça fédère, ça. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle ce que tu as dit tout à l'heure, ça, les gens se sentent importants, ils se sont reconnus. Voilà. Ils se sentent reconnus. Voilà. Privilégiés, tout à fait. C'est important, hein, ce terme. Hein. Mais complètement. On a essayé de le limiter, on a essayé de le faire sortir à la Révolution, mais. Tout le monde revient, hein. Tu sais, on y retourne. On y retourne à la Révolution. Voilà. Bon, voilà. D'autres choses à voir, mon ami Philippe? Bon, je crois qu'on a bien avancé, hein. Il y a du boulot, là. Ouais, il y a du boulot. Dis-moi, comment ça va à Strasbourg, là, ça? Ben, on a appris, comme tout le monde, hein, les trucs de Macron, et puis il fait bon. Ben on continue comme d'habitude, quoi, c'est tout. Ouais. Ça va juste être prolongé jusqu'au 11, et à mon avis, sans doute plus que ça, on verra bien comment ça se passe. Hein. Ce qui nous énerve, ce sont plus les commentaires immédiats et casse-pieds de tous les journalistes. Bien sûr. Ça, c'est effrayant, ça. Surtout quand les commentaires ont lieu juste derrière, et que tu as écouté le discours, et qu'eux ont déjà fait une interprétation sur le discours. Alors là, c'est fantastique. Je ne veux pas être à la place du président. Hein. Ah, ça, c'est... Ouais, mais c'est là où on voit... Moi, tu sais, je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours voté Macron. J'ai voté Macron une fois. Et je pense que... Heureusement qu'on a ce gars-là. Parce que... Je vois pas qui d'autre dans le paysage politique est capable de lui arriver à la cheville. Non, c'est pas ton avis? Non, tu penses que... Ben, en ce moment, il se débrouille. Je ne me pose pas trop la question là-dessus. Je vois seulement que sur... On est en train, l'Europe et en fait toute la société occidentale est en train de prendre une belle claque. Ouais. Là-dessus, c'est très très bien. Je dirais même que c'était un peu voulu, mais bon. Ouais. Le problème, c'est que ça fait un peu beaucoup de morts, mais bon. Mais c'est vrai que les façons de gérer sont assez différentes d'un endroit à l'autre. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. Moi, je pense que c'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal. Et puis, je pense qu'on a affaire à un honnête homme, si tu veux. Ouais, c'est... Parce que tout le monde le traite de tordu, de ci, de ça, qui... Ouais. Je pense que à tenir des propos assassins comme ça, vis-à-vis de son président, vis-à-vis de son premier ministre, tu sais que c'est hyper démotivant, quoi. Tu te mets à la place de ces mecs-là, quoi, qui vivent un enfer pas possible. À première phrase, paf, ils se font allumer de pour si. Tout de suite une critique. Ouais. Et ben, je pense qu'il faudrait. J'espère que nos compatriotes vont ressortir grandis de cette épreuve. J'espère, j'en suis pas sûr, mais j'aimerais tant. Et puis j'aimerais tant que le monde prenne en compte cette épreuve pour se gérer différemment, pour être géré différemment, pour qu'on sorte de toutes ces impasses dans lesquelles on est et qui nous amènent droit dans le mur. Mais on le savait, mais maintenant c'est marqué, quoi. C'est ça. Moi, j'ai bien apprécié la phrase, comme il disait, il faut changer et moi le premier. Oui, c'est bien ça. Bah ouais. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Maintenant, il faut. Ça veut tout dire de la qualité de l'homme qui est prêt à se remettre en cause. Voilà. Alors que les autres, ils sont suffisants et la remise en cause, c'est pas tout à fait leur truc. Mais bon. Bon, voilà. Donc, tu vas te remettre, toi, de tes mots. Hein, oui. Tu vas laisser tomber le jardin un peu, là. Bon. Hein, oui, pour l'instant, ça va. Bon. On n'y va pas. Et Sylvie, comment ça va, elle? Bon, bah, Sylvie, elle gère son truc, tout son troupeau à distance. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, on est plutôt. Elle est 1,5 à gérer, quoi. Donc, je vous donne un coup de main là-dessus et c'est bien. Ben, c'est bien. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'en gérant cette façon-là, ça me m'aide aussi à raisonner sur la façon de gérer cette chose à distance, sur ce jardin merveilleux à distance. Ah, oui, bien sûr, mais bien sûr. Et moi, je trouve ça extrêmement instructif, si tu veux. Voilà. J'ai hâte qu'on avance un peu sur le merveilleux, mais on va mettre step by step, et on va essayer d'y arriver de bonne façon et en bon état. Oui. Voilà, et puis sache, Philippe, que j'ai grand plaisir à bosser avec toi, que tu me fais un bien fou, parce que... Oui, c'est vrai, tu me fais beaucoup de bien, même si je ne partage pas tout de toi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie et qui me font du bien. Voilà. Et je c'est bien, tu as mis une casaque de prisonnier, là, on dirait. Non, c'est marin. C'est marin, c'est pas tout prisonnier, non. Les prisonniers, non, mais c'est... Ah, tu sais, dans ces moments de confinement... ouais, non, ah ben, c'était... Ah, ben, c'est intéressant. C'était encore un truc subliminal. Non, je me sens... Tu sais, je me sens absolument pas prisonnier. Je me sens bien, moi. Moi, ce confinement, il n'y aurait pas tous ces dégâts autour de moi. Pour moi, c'est une époque... C'est quelque chose de... Moi, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien. Mais bon. C'est très surveillé le confinement à Auray. Ben écoute, je sors pas. Donc ah oui. J'ai pris le parti. Non mais j'ai pris ce parti-là. Et c'est au grand dam de Michaela qui elle n'a qu'une idée, c'est de sortir et de se mettre en danger et de nous mettre en danger par conséquent. Mmh. Et elle s'est pas encore fait contrôler. La dernière fois qu'on s'est fait, la seule fois où on s'est fait contrôler, c'est quand on était tous les deux à Saint-Goustan sur les bords de la rivière où on n'avait pas le droit d'être parce que le préfet en avait décidé autrement, mais on ne le savait même pas. Donc de ce jour-là, ça devait être le 16 ou 17 mars, je décidais de plus sortir. Alors, mais je m'en porte très très bien. C'est vrai que nous aussi nous avons une terrasse, c'est vrai que si ceux qui sont enfermés et qui n'ont pas de terrasse, ça doit être rigoureux. Infernal, ce truc-là. Ça, il y a des gens qui ont du mérite, hein, si tu veux. Mm. Ouais. Ouais, bon, bah écoute, hein, on va croiser les doigts pour qu'on s'en sorte bien, parce que on commence à avoir des amis et des relations qui commencent à être atteints. Oui. Hein, vous connaissez des gens qui ont le coronavirus, hein? Ben on vient d'apprendre, justement, j'ai un cousin qui est atteint et qui, lui, est en très grande difficulté respiratoire. Donc, on ne sait pas s'il va s'en sortir. Ben voilà. Nous, ça fait deux personnes, là, qu'on connaît, dont la sœur de Michaela. Ah. Ouais. C'est compliqué. Elle habite la région... Elle habite en Bavière, et elle a une tumeur, bénigne ou maligne du foie, on ne sait pas, parce que c'est pas des traits causants, hein, là-bas. Hein. Et elle va à l'hôpital pour se faire soigner, et puis c'est là-bas qu'elle a attrapé le coronavirus. Hein. C'est ça. À l'hôpital, c'est l'horreur. Ouais. Ah, à l'hôpital. Bon. Et bon, voilà. Et puis là, cet après-midi, on vient d'apprendre. J'ai un bon ami là qui. Bon, on va voir. Bon, il n'y a plus qu'à accompagner. Et puis. Ouais. Oui. Mais c'est. Bon, allez, ça, c'est l'aspect. Hein? Courage, tendresse à vous. Allez, et ben tout plein de tendresse à vous. Oui. Et puis, et bien, nous, on recose. Très bientôt pour ça. Moi, bon. Je t'enverrai des trucs assez rapidement. Et puis, on cause mercredi. Ça te va? Voilà. Hein? Ça va très bien. Salut, ciao. Salut, au revoir. Au revoir.